Chapitre 51e. Les nuages se dissipent. Le lendemain matin, Edith marchait sur la pointe du pied et faisait signe à Sholto de se taire lorsqu'il parlait tout haut, comme si le moindre bruit eût dû interrompre la conférence qui avait lieu dans le salon. 2 heures sonnèrent, et les portes étaient toujours fermées. Un peu après, on entendit les pas d'un homme qui descendait précipitamment l'escalier, et Edith, mettant la tête à la porte, aperçut son beau-frère. « Eh bien, Henry ? » dit-elle d'un air d'interrogation. « Eh bien ? » répéta-t-il d'un ton bref. « Venez-vous goûter ?»« Non, merci, je ne puis pas, j'ai déjà perdu trop de temps ici. »« Tout n'est donc pas arrangé alors ? » dit alors Edith d'un air désappointé. « Non, pas le moins du monde. Tout ne sera jamais arrangé. Si partout, vous entendez ce que je suppose ?»« Cela n'aura jamais lieu, Edith. Ainsi, n'y songez plus. » « Mais cela serait si agréable pour nous tous, » dit Edith d'un air suppliant. « Je serais toujours tranquille au sujet des enfants, si j'avais Marguerite une fois établie près de moi. J'ai toujours peur qu'elle n'aille se fixer à Cadix. Je tâcherai, lorsque je me marierai, que ce soit avec une jeune personne qui s'entend d'avoir soin des enfants. C'est tout ce que je puis faire pour vous. Miss Hale ne voudrait pas de moi, et je ne la demanderai pas. Mais alors, « de quoi donc parliez-vous pendant tout ce temps ?»« 2000 choses auxquelles vous ne comprendriez rien, de placement, de baux et de la valeur des terres. »« Oh, allez-vous-en si c'est là tout. »« Elle et vous, vous devez être horriblement stupide si vous avez parlé pendant si longtemps de choses si ennuyeuses. »« Très bien, je reviendrai demain avec Mr. Thornton pour avoir encore une conversation avec Miss Hale. »« Mr. Thornton, qu'a-t-il à faire dans tout cela ?»« Il est le locataire de Miss Hale. » dit Mr. Lennox, se détournant, et il désire résilier son bail. « Oh, bien, bien. Je ne comprends rien aux détails. Ainsi, je vous dispense de me les donner. » « Le seul détail qu'il est nécessaire que vous compreniez, c'est qu'il sera bon de laisser le salon libre comme aujourd'hui. Ordinairement, les enfants et les bonnes ne font qu'entrer et sortir, de sorte qu'il est impossible d'expliquer clairement une affaire, et les conventions dont nous devons nous occuper sont très importantes. » Personne ne sut pourquoi Mr. Lennox ne se trouva pas au rendez-vous du lendemain. Mr. Thornton s'y rendit exactement et, après l'avoir fait attendre près d'une heure, Marguerite entra enfin au salon. Elle était pâle et sa physionomie exprimait l'anxiété. « Je suis si fâchée, » dit-elle en parlant très vite et avec embarras, « que Mr. Lennox ne soit pas ici. Il aurait pu vous dire cela bien mieux que moi. Il est mon conseiller dans cette... « Je regrette d'être venu, si cela vous dérange. Voulez-vous que j'aille voir si Mr. Lennox est chez lui ?»« Non, merci. Je voulais vous dire combien je regrette de vous perdre comme tenancier. Mais Mr. Lennox dit qu'il est sûr que les choses s'amélioreront. »« Mr. Lennox n'entend rien à cela, » dit Mr. Thornton avec calme. « Heureux dans tout ce qu'un homme peut souhaiter, il ne comprend pas ce que c'est que de se trouver alors qu'on est plus jeune. » Rejeté au point de départ qui a demandé toute l'énergie de la jeunesse. De sentir que la moitié de la vie est passée, et que rien n'est fait, que rien ne reste des occasions perdues, si ce n'est l'amer regret de n'en avoir pas profité. Miss Hale, je préfère ne pas connaître l'opinion de Mr. Lennox sur mes affaires. Ceux qui sont heureux et qui ont réussi sont sujets à parler légèrement du malheur d'autrui. Vous êtes injuste, dit Marguerite avec douceur. « Mr. Lennox a seulement dit qu'il espérait vous voir recouvrer tout ce que vous avez perdu. Ne parlez pas jusqu'à ce que j'aie tout dit, je vous en prie. » Et recueillant de nouveau ses forces, elle feuilleta rapidement quelques papiers d'une main tremblante. « Oh, voici, il m'adressait un projet. Je voudrais qu'il fût ici pour vous l'expliquer. Enfin, si vous vouliez prendre de l'argent à moi, 1857 livres sterling qui sont en ce moment déposés à la banque et qui ne me rapportent que 2,5%, vous m'en donneriez un intérêt bien plus élevé et vous pourriez conserver la manufacture de Marlborough Street. » La voix de Marguerite était devenue plus ferme et plus claire. Mr. Thornton ne répondit rien. Il continua à chercher un papier sur lequel étaient détaillées les sûretés demandées, car elle avait à cœur de lui faire envisager la chose comme une simple transaction d'affaires à laquelle elle était plus intéressée encore que lui. Tandis qu'elle cherchait ce papier, son cœur cessa tout à coup de battre en entendant Mr. Thornton, lui dire d'une voix tremblante de tendresse et de passion « Marguerite ». Elle le regarda un instant, puis elle chercha à lui dérober l'éclat de ses yeux en laissant tomber son front dans ses mains. Il se rapprocha d'elle et répéta d'un ton suppliant « Marguerite ». Elle pencha davantage sa tête, elle cacha plus complètement son visage. Il s'agenouilla près d'elle et murmura d'une voix basse et haletante « Prenez garde. Si vous vous taisez, j'aurai l'étrange présomption de croire que vous consentez à m'appartenir. S'il faut que je parte, renvoyez-moi à l'instant, Marguerite. » À ce troisième appel, elle tourna vers lui son visage toujours caché dans ses mains et s'appuya sur son épaule pour l'y cacher encore. Il la pressa contre son cœur. Tous deux gardaient le silence. À la fin, elle murmura d'une voix entrecoupée « Oh, monsieur Thornton, je ne suis pas digne de vous. Vous n'êtes pas digne de moi. Ne raillez pas ainsi la profonde conviction que j'ai de ne pas vous mériter. » Au bout de quelques minutes, il dégagea doucement le visage de Marguerite et il plaça les bras de la jeune fille autour de lui comme elle les y avait mis elle-même le jour de l'émeute. « Vous en souvient-il, ma chère ? » dit-il tout bas, et de mon insolence du lendemain. Je me souviens de la dureté avec laquelle je vous parlais, voilà tout. Regardez, levez la tête, j'ai quelque chose à vous faire voir. Elle leva lentement la tête et lui laissa voir ses joues couvertes d'une rougeur brûlante. Connaissez-vous ces roses ? Dit-il en tirant de son portefeuille quelques fleurs séchées. Non, fit-elle avec une curiosité naïve. « Est-ce que je vous les ai données ?»« Non, Miss Vanité, mais vous avez probablement porté les sœurs de celle-ci. » Elle le regarde, cherchant à deviner, puis elle dit en souriant. « Elles viennent de Hailstone, n'est-ce pas ? » ?»« Je les reconnais aux découpures profondes des feuilles. »« Oh, vous y avez donc été. Quand donc cela ?»« J'ai voulu voir l'endroit où Marguerite était devenue ce qu'elle est, alors même que j'étais le plus malheureux, que je désespérais qu'elle fût jamais à moi. » J'y suis allé à mon retour du Havre. « Donnez-les-moi, » dit-elle en lui prenant les roses des mains avec une douce violence. « Je le veux bien, seulement il faudra me les payer. »« Comment dirais-je cela à ma tante Shaw ?» dit tout bas Marguerite après quelques instants de silence. « Voulez-vous que je lui parle ?»« Oh non, je lui dois. Mais que va-t-elle dire ?»« Je l'entends d'ici s'écrier, cet homme-là. »« Chut !» dit Marguerite. Où j'essaierai de vous montrer le ton indigné de votre mère disant « Cette femme-là !» C'est ainsi que s'achève, Nord et Sud, d'Elisabeth Gaskell.